Le désert. Il paraît que le désert parle. Il suffit de s'allonger contre une dune et d'écouter. L'eau appelle l'eau. Allez, musiciens! Dans l'immensité, une dame du désert garde son cœur à secret bien préservé, où le temps s'étire, telle une étoffe sans fin, l'amour attend, tel un voile sous l'astre étoilé. Les mystiques cherchent la dame, se préservent dans ce sanctuaire où l'amour est féminin. Rares sont les âmes, rares sont les cœurs qui se lèvent dans la valse des sentiments, un destin câlin. Je me réserve à l'amour comme elle garde l'eau, précieuse et voilée, un joyau sous le sable chaud. Dans le silence, mon amour est une flamme, un refuge tendre, dans le vide, une femme. Fille du sable, elle connaît ses refrains, la grâce du désert l'a façonnée. Sur une toile de rêve, son amour est percé, comme la lune veille sur les cœurs en chemin. La mort compagne des étreintes évanouies dans ce vide cristallin. Elle se trouve sa voix, l'eau plus précieuse que les paroles et les perles de pluie. L'amour qui caresse l'âme qui est moi. Je me réserve à l'amour comme elle garde l'eau précieuse et voilée, un joyau sous le sable chaud. Dans le silence, mon amour est une flamme, un refuge tendre dans le vide d'une femme. Les pas des bêtes et des dames résonnent sur les dunes, sous la lune, une présence qui étonne. Dans le désert, un théâtre de silence et de rêve, où l'amour, malgré tout, tisse sa trame. Dans le désert, du Sahara, de mon cœur, je t'attendrai à travers les dunes et les mirages, je te guetterai, et quand enfin tu trouveras l'oasis de mon amour, nous danserons complices jusqu'à la fin de nos jours. Dans l'immensité silencieuse du désert, je garde mon cœur comme un secret bien gardé, où le temps s'étire en un écho sans fin, l'amour attend patient sous le ciel étoilé. Les mystiques cherchent et moi je me réserve dans ce sanctuaire où l'amour est divin. Rares sont les vies, rares sont les cœurs qui osent dans la danse de la passion et du destin. Enfant du sable, je connais ses chants. La rusticité du désert m'a formé. Sur une simple nappe, mon amour est apaisé. Comme la lune guide les nomades de la nuit. la mort, comme une compagne fidèle, des amours perdus, dans ce vide minéral, je trouve mon guide, l'eau, plus précieuse que des diamants, et l'amour qui flatte le cœur vivant. Ah, je me réserve là d'amour, comme le désert à Garbelot, la précieuse est cachée, un trésor sous le sable chaud. Dans le silence, mon amour est un oasis, un refuge doux, dans le vide, un pur délice. Les pas des bêtes et des hommes résonnent sur les dunes, sous la lune qui rayonne le désert, un monde de silence et d'épreuve où l'amour, malgré tout, trouve son œuvre. Dans le Sahara de mon cœur, je t'attendrai à travers les dunes et les mirages, je te chercherai. Et quand enfin tu trouveras l'oasis de mon amour, nous danserons ensemble jusqu'à la fin de nos jours. Dans l'immensité silencieuse du désert, où le temps s'étire en un écho sans fin, les mystiques cherchent la vérité si claire, dans ce sanctuaire où parle le divin. Rares sont les vies qui osent s'y poser, chaque plante un trésor dans l'aridité. La frugalité et la force s'entremêlent dans la danse et la survie éternelle. Enfant du sable, je connais ces chants, dormant sur la terre, sous le ciel si grand. La rusticité du désert m'a formé, sur une simple nappe, je suis apaisé. La mort, compagne fidèle des nomades, dans ce vide minéral, elle les guide. L'eau, plus précieuse que les diamants, et la richesse qui les flatte. Vivant. Les pas des bêtes et des hommes résonnent sur les dunes, sur la lune qui résonne, qui rayonne. Le désert, un monde de silence, d'épreuve, où la vie, malgré tout, trouve son œuvre. Restez le désert. L'eau appelle l'eau.